Du sang dans les algues par Jean d'Arrigue. Chapitre 1er. Mon copain Rino. Ah ben, ça y est, j'ai fini par les manifester en mai 68. Oh, je n'ai pas fait les choses à moitié. Je suis monté à Paris, j'ai descellé des pavés, cassé des plaques en fonte, enfin fait l'incontournable en matière d'émeutes parisiennes bien menées. J'avais l'impression de repartir à zéro, de gommer tout mon passé de chagrin, de violence alarmée, de retourner en adolescence. J'avais fini par y croire au lendemain qui chante à la plage sous les pavés. Or, sous les pavés, je n'ai découvert que moi-même, mieux que par une année d'introspection ou d'analyse. Plutôt que de vouloir changer le monde, c'est moi qui devais changer bien profondément. De plus, politiquement, je m'aperçus malheureusement très vite que j'étais plus proche des ouvriers, peut-être par mémoire pour mon père, que des étudiants boutonneux. Le comble, c'est que je fus pris en photo moult fois en pleine action, arrêté, et mis à pied pour une durée indéterminée. J'ai donc fait un comeback peu glorieux dans mes pénates. J'ai laissé ma part dans la SCI que nous avions fondée avec Sylvia pour acheter la ferme dans laquelle elle habite maintenant avec Serge et leur petit Ludo. J'ai pris une location à l'Estac, dans le village près de l'église. C'est petit, crasseux, mais je vois la mer depuis ma fenêtre et c'est dans mes moyens. À Carreau, petit port de pêche de la Côte Bleue, entre Marseille et Martigues, un matin d'avril 1973. Accoudé au comptoir, je sirote mon café. J'aime bien m'asseoir dans l'angle que fait le zinc sur la gauche. De cette place, je vois les clients rentrer et surtout, ça me permet de contempler Gilda de haut en bas. Je peux ainsi détailler ses pieds parfaits, cambrés dans des soucoliers à semelles de bois, ses cuisses musclées, ses fesses dures et rondes, enfin, tout ce qui fait que Gilda est littéralement un cadeau, déjà pour les yeux. Un de ces quatre, il faudrait que je passe à l'action avec elle, parce que ça commence à bien faire. Je me tiens à la place de beaucoup de patrons de bar, être au comptoir sans y être vraiment. De là, on voit toute la salle de face, on voit ce que fait l'employé derrière le comptoir, et pour intervenir, c'est plus rapide, vu qu'on est déjà dans la salle. Si ça sent trop mauvais, on peut sortir par la petite porte, en laissant le barman se dépatouiller, et si des affaires intéressantes se présentent, on peut prendre part à la conversation. Depuis l'affaire Guelmard et Vergneux dans laquelle j'ai fait la connaissance de Gilda, je lui rends des visites régulières. D'abord parce qu'elle le vaut bien, et ensuite parce que je me suis aperçu que les allées et venues de certains inconnus autour de son bar devaient cacher quelque chose. Après quelques ennuis avec la police, Gigi a vendu son rade de salon et a acheté ce troquet sur le port de Carreau. L'hiver, on a tout fait d'y compter les autochtones mâles. Mais l'été, ça ne marche pas trop mal. Tant à cause du bronzage de Gilda que des pambagnas de Marcel qui lui donnent un coup de main. Marcel est un ancien légionnaire qui a roulé sa bosse, puis a été marin-pêcheur pour finir par tout plaquer quand il en a eu marre. À la soixantaine passée, son visage est traversé de rides aussi profondes que le canyon du Colorado. Il a une mine patibulaire, mais c'est le meilleur des hommes. Le bar de Gigi est son dernier port d'attache. Ce matin, j'entends de voir Rinaldi. On l'appelle Rino. C'est plus court, mais aussi parce qu'il est continuellement enrhumé. C'est une rhinite, qu'il nous dit à chaque fois, d'où ce surnom qui lui va comme un écrou à son boulon. Rinaldi doit me rencarder sur le réel propriétaire d'un bateau dans le port de Carreau, un rocade de plus de 6 mètres. Avec un moteur inboard de 200 chevaux et qui sort en mer à des heures indues en n'étant jamais piloté par la même personne. Le propriétaire légal en apparence, un brave commerçant marseillais, déclare n'être au courant de rien. Je sors mon bateau que l'été pour aller à la pêche à la traînée encore quand il n'y a pas de vent. Vous êtes sûr que c'est le mien que vous avez vu sortir? Est-ce qu'on toucherait mon bateau sans que je m'en aperçoive? Pétard! J'ai mis des cadenas partout, alors comment ils font? Vous voulez me le dire? Rien qu'à voir la tête d'Antonin Gapian, on comprend qu'il est autant de qualité de marin qu'un corps des Alpes. Comme je dis souvent, il y a Angatz. De toute évidence, cet Agapian qui est fait dans la chaussure n'est qu'un prête-nom, et le rocade doit appartenir en réalité à un gros bonnet marseillais. J'ai donc décidé de mettre mon petit Rinaldi sur le coup pour connaître le propriétaire réel, et je me rapprocherai ensuite de mes collègues des douanes pour arraisonner le bateau une fois en mer. J'ai toute confiance dans les compétences de mon copain Rinaldi. Rino a presque tout fait dans la vie. Il a été détective privé jusqu'à ce que Marie adultère lui mette une grosse tête. Il a aussi fait dans l'immobilier, mais il confondait ses propres affaires avec celles de ses clients. Il a même été livreur de pizza, jusqu'à ce qu'un chauffard le foute en l'air avec son scooter. La photographie l'a aussi attiré pendant un temps. Il tirait le portrait des passants sur le cours Mirabeau à Aix et sur la Canebière. Jusqu'à ce que Malfaisant lui vole son appareil et se tire sur son propre vélo. À chaque fois, ce n'est pas qu'il s'y prenne mal, mais il n'a pas de bol. C'est ce que tout le monde s'accorde à dire. Mais ce que Rino sait faire de mieux, c'est faire parler les gens. Personne ne se méfie de son air inoffensif de demeurer. Il lance une première boulette de bromège, un appât pour la pêche, une connerie quelconque, pour amorcer la conversation, et aussitôt il abonde dans le sens du quidam. Dès qu'il sent une faille chez son interlocuteur, il fouille la plaie et chauffe le blaireau jusqu'à ce que celui-ci dépasse la limite de l'indicible. Rino engrange les infos dans son excellente mémoire. Il vole les paroles comme d'autres subtilisent les portefeuilles. Quand il quitte ses pratiques, il laisse derrière lui un léger courant d'air et aucun souvenir. Dans sa partie, c'est un as de première. Je l'imagine d'ici, faisant tous les bancs qui entourent le port de Carreau, à jouer l'imbécile, à s'intéresser à la partie de boule, à dire des banalités telles que « Un bateau comme ça, si je gagne l'auto, tout de suite je l'achète. Il doit avoir des ronds, celui qui l'a. » Ou encore « Ça doit valoir cher, un bateau comme ça. Mais ça l'a consommé aussi. Quand même, il n'y a pas à dire, il y en a qu'on des sous. » Le téléphone retentit au bout du comptoir. Gilda se déplace nonchalamment et je peux maintenant la voir de dos. C'est aussi beau que de face. « Allô ?» Oui, il est là. Je vous le passe. Gino, c'est pour toi, fait-elle d'un air faussement las en me tendant le combiné. J'ouvre une parenthèse pour vous signaler que Gilda et moi, nous nous tutoyons depuis peu, alors qu'elle me détestait cordialement, profession oblige. Les patronnes de bar n'apprécient pas d'emblée les commissaires de police. Personnellement, j'attends maintenant un rapprochement plus complet et plus étroit. Allô ? Ah, Serge, comment tu savais que j'étais là ? Je te voyais tirer la langue depuis un moment, alors j'ai pensé que tu devais encore travailler sur l'entente cordiale. Ce que j'ai à te dire ne va pas te faire plaisir. Il s'agit de ton copain Rino. Voilà. Eh ben, accouche, qu'est-ce qu'il a, Rino ? Écoute, le pauvre ne sera plus jamais enrhumé. Il est là, à côté de moi, mais sur un tiroir en acier inox, et il fait froid. Oh, Fatched ! Le pauvre ! Quelle vacherie ! J'arrive, hôpital Nord ? Non, celui de Martigues. « Je t'attends alors. Ne bouge pas. Juste le temps de venir. » Je raccroche, la gorge légèrement nouée. Une foule d'images de Rino défile en accéléré devant mes yeux. Quant à Serge Michaud, mon ancien second, promu commissaire, nous avons gardé des relations quotidiennes, vu qu'il s'est marié avec Sylvia, ma copine de toujours. Nous nous considérons comme des frères. « Gilda, tu mets les cafés sur mon compte. Il faut que je m'en aille. Je t'expliquerai. »« C'est Rino ?» me demande-t-elle en faisant de la main le geste de se couper le cou. Pauvre type. Ça me fait de la peine, tu vois. Je vais aussi vite que ma mini le permet. Après mes avatars de mai 68, j'ai dû changer de voiture pour réduire mon train de vie. Adieu, la Chambord. Elle consommait trop, et mon demi-salaire m'obligeait à faire des économies. Comme je suis maintenant seul la plupart du temps, cette petite bagnole suffit largement à mes besoins. Serge Michaud m'attend dans le hall de l'hôpital de Martigues. Nous nous rendons tous deux à la morgue où le corps de Rinaldi est conservé. Le préposé nous exhibe la dépouille de mon copain en soulevant le drap qui le recouvre. Rino a l'air tranquille et serein, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il manque de couleur. Raconte, Serge, qu'est-ce qui s'est passé ? Michaud m'entraîne hors de la salle. Inutile de prolonger l'entretien avec Rino qui, de toute façon, ne peut plus parler. On l'a trouvé sur la plage de Sainte-Croix, flottant à plat ventre sur l'eau avec un masque, un tube et des palmes. Il a peut-être été victime d'un infarctus ou d'un AVC. Il ne porte pas de marque de coups et il faudra attendre l'autopsie pour en savoir plus. Écoute, Serge, Rino n'est pas mort de sa belle mort, vu qu'il n'a jamais fait de plongée de sa vie. Je suis presque certain qu'il ne savait pas nager, d'ailleurs. Oh, mais tu sais, pour faire de la plongée, il n'y a pas besoin de savoir nager. Il suffit de se laisser flotter. Rino, faire de la plongée, tu plaisantes ? C'est comme si tu me disais que tu t'es mis au tricot ou aux claquettes. Non, Serge, Je suis sûr qu'on l'a liquidé et je crois savoir pourquoi. » Je raconte alors à Michaud la mission que j'avais confiée à Rino et les raisons qui m'ont poussé à le faire. « Tu vois, Gary, il a dû trouver le vrai propriétaire du bateau. Et on l'a noyé pour ne pas qu'il parle, c'est presque certain. C'est à cause de moi qu'il est mort, le pauvre, mais je te garantis que je finirai par tenir le salaud qui a fait ça. Mais, Gino, pourquoi cette comédie de plongée avec masque et tuba? Pourquoi ne pas l'avoir fait disparaître tout bonnement? » Je tire nerveusement sur ma royale. « Mais pour qu'on le retrouve, tiens, c'est un avertissement pour moi et tous ceux qui veulent mettre le nez dans cette affaire. La plongée, c'est un rapport direct avec le bateau, la mer, enfin, tu ne comprends pas, c'est évident. » Michaud shoote les cailloux du parking, les deux mains dans les poches. « Puisque tu le dis, en tout cas, si tu es dans le vrai, tu as intérêt à numéroter tes abatis, mon pote.